Laurence et Stéphane se sont infiltrés au Festival du Polar de Villeneuve-les-Avignon afin d'interviewer dans la pénombre les amateurs d'histoires obscures et les auteurs de romans noirs. Bastien Gendron en face de moi, j'ai dit tout à l'heure, je vous ai rencontré, j'ai dit sur Osmose, on est des gens super gentils et on dit aux auteurs qu'on aime qu'on les aime. Bon, alors, je vais commencer comme ça, je vous aime. Ben, je vous aime aussi alors. C'est la première fois pour vous aussi le festival à Villeneuve-les-Avignon? Ouais, c'est une toute première. Ouais. Belle rencontre? Bah pour l'instant, oui, ça, c'est plutôt de bon augure. Oui. Ouais, pas mal de monde, hein, pas mal de gens curieux, donc oui. Vous écrivez depuis déjà quand même quelques années, vous êtes connu, hein, on peut dire ça comme ça. Moi, c'est la première fois que je vous regarde les yeux dans les yeux, alors forcément, je suis un peu émue. Vous pouvez nous parler de votre dernier ouvrage? Alors, le dernier ouvrage, c'est une femme, comme vous, avec des beaux yeux aussi. Comme vous aussi, qui décide de pousser les gens à faire la révolution. Et elle choisit comme date le jour des vacances d'été. Voilà. Et elle se met simplement sur une autoroute du sud de la France avec un flingue sur la tête. Elle arrête les voitures et elle dit « Je ne bougerai pas d'ici tant que vous n'aurez pas fait la révolution. » Voilà. Donc évidemment, ça fout le bordel et les gens ne sont pas forcément d'accord parce qu'ils préfèrent aller sur leur serviette à la plage que prendre les armes. Voilà. Donc c'est un peu voué à l'échec, mais on tente le coup quand même. Et à la rencontre de vos lecteurs, ça vous fait plaisir de les rencontrer, d'entendre qu'ils disent aussi des choses? Moi, je suis toujours la lectrice qui dit des choses intelligentes dans le genre « j'aime beaucoup ce que vous faites ». Non, non, mais les gens ne disent pas que j'aime. Parce que, d'ailleurs, il y en a pas mal qui disent « je ne sais pas ce que vous faites ». Donc, ils attendent à ce que je leur fasse aimer. Bien sûr, c'est extrêmement important. On n'est pas juste là pour vendre des bouquins. On est aussi là pour rencontrer des gens qui ont lu ce qu'on avait écrit ou ce qu'on est en train d'écrire, qui sont curieux, qui nous posent des questions, qui font des critiques la plupart du temps assez constructives. Donc oui, c'est, je pense que c'est extrêmement important dans la vie d'un auteur de venir dans un salon à la rencontre des lecteurs pour savoir à peu près où on en est, quoi. C'est une bonne jauge. Merci beaucoup. On a envie de dire quand même que Yann Manouk est à côté de vous, que la littérature policière, c'est pas du tout une littérature mineure, que c'est vraiment quelque chose qui prend de plus en plus, peut-être d'ampleur, mais en tous les cas, qui ne supporte pas la médiocrité. Donc moi, j'ai deux écrivains côte à côte qui sont tout le contraire d'écrivains médiocres. Rien que pour ça, je voulais vous remercier, messieurs. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bon festival. Le Festival du Polar de Villeneuve-les-Avignon aura lieu prochainement les 9 et 10 novembre 2018.